mi Varsovie. Avec leurs chiens, leurs fusils, dans les camps de Mazovie, qu'est-ce qu'ils ont fait de ta vie? Mon ami de Varsovie, t'as même plus de quoi rêver. Elle est noire comme la nuit, ton étoile du berger. Dans ma poitrine, ça frappe, ça cogne. C'est pas le cœur, c'est pas le cœur. Dans ma poitrine, ça frappe, ça cogne. C'est pas le cœur, c'est la Pologne. Mon ami de Varsovie, comment te tendre la main? Que de murs ils ont bâti entre nous et puis Berlin. Mon ami de Varsovie, je te jure, je vais lutter. Je sais bien qu'à Varsovie, on fusille ma liberté. Dans ma poitrine, ça frappe, ça cogne. C'est pas le cœur, non, c'est pas le cœur. Dans ma poitrine, ça frappe, ça cogne. C'est pas le cœur, non, c'est la Pologne. Mon ami de Varsovie, un beau jour tu chanteras, et les filles de Varsovie danseront comme autrefois. Mon ami de Varsovie, un beau jour il faudra bien que les rues de Varsovie rêvent et puis valsent avec Chopin.